À 12h30, ici Dominique Lelièvre pour le compte-rendu de l'information. D'abord, c'est le jour 3 du second procès d'Alain Perrault, cet homme accusé du meurtre de Lynn Massicotte. Ce matin, un policier expert en informatique a été appelé à la barre des témoins pour présenter l'analyse qu'il a fait de l'ordinateur de l'accusé. Alain Perrault aurait téléchargé des images pornographiques simulant le viol quelques heures avant sa rencontre avec la femme, Madame Massicotte. Il aurait en plus consulter le code criminel au lendemain de sa disparition pour des infractions liées au meurtre et à l'outrage à un cadavre. Scène politique, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a lancé ce matin une grande consultation pour réformer le système de l'éducation. Le ministre a fait part de son intention de moderniser le système d'éducation au Québec. La population sera invitée à se prononcer sur quelques 50 pistes d'action au cours d'une série de consultations qui seront lancées cet automne sur le web. Le gouvernement propose notamment d'offrir la maternelle à 4 ans à plus large échelle, en plus de rendre obligatoire l'école jusqu'à 18 ans. L'anglais intensif en sixième année du primaire figure aussi par les propositions du gouvernement libéral. Enfin, à Québec, le chanteur Éric Lapointe souhaite faire revivre le bar Quartier de Lune, ce bar dont l'établissement de l'avenue Cartier a été détruit il y a un an dans un incendie. Selon le Journal de Québec, le chanteur fait effectivement partie d'un groupe d'investisseurs qui est en pourparlers pour faire l'acquisition d'un établissement dans le quartier Limoilou. Il s'agit du bar Sinatra, anciennement l'autre zone, situé sur la 3e avenue, coin 11e rue. C'est donc à cet endroit que le bar Quartier Lune pourrait revivre, et ce, prochainement, puisque les négociations seraient plutôt avancées. Le groupe d'investisseurs menant déjà présentement des recherches là, pour employer des travailleurs comme pour combler des postes de serveurs et de portiers, notamment. C'est donc à suivre l'ouverture de ce bar Quartier Lune qui pourrait se faire aussitôt qu'à la fin du mois d'octobre. Voilà donc pour les informations. C'était